d'FM ou sur le site internet www.radiogameuso.eu. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gameuzo, vous nous écoutez sur le 107 FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le mardi 4 juin et nous souhaitons une bonne fête aux Clotilde, ça vient du germanique signifiant célèbre combattante. Clotilde apparaît comme une personne décidée, débordante de vitalité, originale et exprimant un fort appétit de vivre. Courageuse, entreprenante, elle a un certain goût pour le risque et se pose souvent en leader. Néanmoins, elle est aussi féminine et maternelle et aime prendre en charge les autres. D'ailleurs, son abord est souvent sécurisant ou engageant, Clotilde étant assez soucieuse de plaire, que cela se traduise par un côté accueillant ou par le fait de soigner son apparence. C'est une femme entière, franche et directe, qui sait se montrer loyale. Susceptible et ne supportant pas l'iniquité, elle peut facilement réagir dès qu'elle sent une injustice. Elle est dynamique et peut-être parfois même plus mobilisée pour les autres que pour elle, et ne craint pas la compétition. Clotilde est volontaire, active, avec un sens profond des réalités matérielles et sait parfaitement être efficace et pratique tout en étant généreuse et intéressée par autrui. Elle apprécie les biens de ce monde, le confort ainsi que l'argent et peut se révéler une excellente femme d'affaires. Dicton du jour à Sainte Clotilde, de fleurs en buisson, abeilles butinent à foison. Célébration internationale aujourd'hui, c'est la journée internationale des enfants victimes innocentes de l'agression établie par une résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies en août 1992. En Finlande, c'est la fête du drapeau et au Tonga, c'est la fête nationale ou fête de l'émancipation. Et dans les événements qui se sont déroulés un 4 juin, en 1887, c'était la création par décret de l'Institut Pasteur. En 1917, création du prix Pulitzer. Et en 1970, indépendance des Tonga. Allez, tout de suite, on va marquer une première pause musicale avec le chanteur Antoine et ses fameuses élucubrations. Oh yeah. Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, dans 20 ans si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît. Oh yeah. L'autre jour j'écoute la radio en me réveillant, c'était Yvette Tornier qui jouait de l'accordéon. Ton accordéon me fatigue Yvette, si tu jouais plutôt de la clarinette. Oh yeah. Mon meilleur ami, si vous le connaissiez, vous ne pourriez plus vous en séparer. L'autre jour il n'était pas très malin, il a pris un laxatif au lieu de prendre le train. Oh yeah. Oh yeah. Avec mon petit cousin qui a 10 ans, on regardait Gros Nounours à la télévision. À Nounours il a dit bonne nuit mon bonhomme, il est parti danser le Jerko Palladium. Oh yeah. Le juge a dit à Jules, vous avez tué. Oui j'ai tué ma femme, pourtant je l'aimais. Le juge a dit à Jules, vous aurez 20 ans. Jules a dit, quand on aime, on a toujours 20 ans. Oh. devrait changer tout le temps. Le monde serait bien plus amusant. On verrait des avions dans les couloirs du métro et Johnny Hallyday en cage à Medrano. Oh yeah. Je porte des chemises à fleurs, c'est que je suis en avance de deux ou trois longueurs. Ce n'est qu'une question de saison, les vôtres n'ont encore que des boutons. Oh yeah. J'ai reçu une lettre de la présidence me demandant: Antoine, vous avez du bon sens. Comment faire pour enrichir le pays? Mettez la pilule en vente dans les monoprix. Oh yeah! Oh yeah! Les élucubrations d'Antoine sur RGM. Et il est un petit peu plus de 8h36 et nous, eh bien, on va parler anniversaire avec ceux qui sont nés un 4 juin 1936, naissance de Bruce Dern, acteur américain, vu en 1974 dans Gatsby le Magnifique dans le rôle de Tom Buchanan, Django Unchained dans le rôle de Curtis Carucan, Nebraska dans le rôle de Woody Grant, récompensé au Festival de Cannes par le prix d'interprétation masculine, Les 8 salopards de Quentin Tarantino dans le rôle du général Sanford Smith, et il sera à l'affiche au mois d'août prochain du dernier Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, dans le rôle de George Spann. 1944, naissance d'Antoine, chanteur français, mais c'est également l'année de naissance de Michelle Phillips, actrice américaine connue pour son rôle d'Anne Winston Matheson Sumner dans la série télé Côte Ouest. C'est également l'année de naissance de Patrick Préjean, comédien français, vu dans Une famille formidable dans le rôle de René, dans Joséphine, ange gardien, et spécialisé aussi dans le doublage. Il est la voix de plusieurs personnages tels que Tigrou de Winnie l'ourson, Sylvestre et Sam le pirate des Looney Tunes, Bayonne dans les films Toy Story, Victor McBernick dans La famille pirate et Nigel de la jungle dans La famille de la jungle. 1970, naissance d'Isabella Skorupko, actrice polonaise, vue dans GoldenEye dans le rôle de Natalia Fiodorovna Zemnionova, à vos souhaits, et vu dans L'Exorciste au commencement dans le rôle de Sarah. 1971, naissance de Noah Wyle, acteur américain connu pour son rôle du docteur John Carter dans la série télé Urgence, vu dans Les Aventures de Flynn Carson dans le rôle de Flynn Carson, ou encore la série Fallen Skies dans le rôle de Tom Mason. 1975, naissance d'Angelina Jolie, actrice américaine vue dans Une vie volée dans le rôle de Lisa Rowe, récompensée par l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, 60 secondes chrono, Lara Croft Tomb Raider et Lara Croft Tomb Raider le berceau de la vie dans le rôle de Lara Croft, Alexandre dans le rôle d'Olympias, Mr. and Mrs. Smith dans le rôle de Jen Smith, L'Échange dans le rôle de Christine Collins, Salt, The Tourist, Maléfique dans le rôle de Maléfique, rôle qu'elle reprendra d'ailleurs dans le deuxième volet intitulé Maléfique, le pouvoir du mal, sortie prévue au mois d'octobre. Elle est la voix originale de Maître Tigresse dans les Kung Fu Panda 1, 2 et 3, et réalisatrice et productrice d'Invincible et de Vue sur Mer. 1976, naissance de Nenad Zemanjic, joueur de tennis serbe professionnel depuis 1995, joueur de double, il a été numéro 1 mondial en 2008, il a gagné deux fois Wimbledon, une fois Roland Garros, une fois finaliste à l'Open d'Australie et quart de finaliste à l'US Open. En double mixte, il a remporté deux fois l'Open d'Australie et Roland Garros, une fois Wimbledon et une fois finaliste à l'US Open. Avec la Serbie, il a remporté la Coupe Davis en 2010 et il a également remporté deux World Team Cups, c'était en 2009 et 2012. 1983, naissance de Guillermo Garcia Lopez, joueur de tennis espagnol, professionnel depuis 2002, qui en simple a été 23e mondial en 2011, 8e de finaliste à l'Open d'Australie et Roland Garros, 16e de finaliste à Wimbledon et à l'US Open. En double, il a été 27e mondial en 2017. Une fois finaliste à l'US Open, demi-finaliste à l'Open d'Australie, 8e de finaliste à Roland Garros et 16e de finaliste à Wimbledon. 1985, naissance de Bar Rafaeli, mannequin israélienne. Et enfin, 1991, naissance de Daniel Gérant, escrimeur français spécialiste de l'épée, champion olympique par équipe au JO d'été de 2016. Allez, tout de suite, nouvelle pause musicale avec Gavin James et Philippine sur le titre Always. What am I supposed to do without you? Is it too late to pick the pieces up? Too soon to let them go? Est-ce que tu gardes en toi mon visage? Et dans une boîte toute notre histoire, la clé n'est plus qu'un mirage. Reviens vers moi, vivons un rêve d'enfant. Reviens comme avant. T'es dans ma tête. James et Philippine sur le titre Always sur le 107FM. Un petit peu plus de 8h44 et il est temps pour nous, eh bien, de faire un point complet sur la météo. La météo. eh bien on aura encore une belle journée ensoleillée, estivale, avec des températures comprises entre 16 et 17 degrés ce matin, entre 30 et jusqu'à 32 degrés prévus pour cet après-midi. Surtout n'oubliez pas de vous hydrater et rester au frais si vous n'avez pas besoin de sortir. Hein. Mercredi, ce sera également une journée ensoleillée avec des orages à prévoir en soirée, des températures comprises entre 15 et 16 degrés demain matin, entre 30 et encore jusqu'à 32 degrés prévus pour demain après-midi. Pour jeudi, les températures vont nettement diminuer. On aura encore du soleil avec quelques petits nuages, mais des températures comprises entre 11 et 12 degrés le matin, entre 17 et 19 degrés prévus pour jeudi après-midi. Allez, on va faire tout de suite un point sur les événements qui ont lieu, eh bien, pas très loin de chez nous en ce moment. Et on commence avec l'exposition Femme, Femme, Femme. Femme, femme, femme. Il est toujours possible d'aller voir l'exposition Femme, femme, femme les mardis, mercredis et jeudis de 13h30 à 17h30 et ce jusqu'au 6 juin 2019. Cette exposition donne un aperçu de la vie des femmes de jadis. Morceaux de vie quotidienne et grands faits historiques font renaître des existences trop souvent méconnues. Penchons-nous sur ces reflets de femmes que nous racontent les archives. C'est donc, je le rappelle, jusqu'au 6 juin de 13h30 à 17h30 les mardis, mercredis et jeudi. L'entrée est gratuite et pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l'organisme au 03 29 62 59 04. Et on continue avec la marche des 1000 marches. La ville de Plombières-les-Bains organise sa 4e édition de la marche des 1000 marches le samedi 8 juin. Départ à 13h au parc impérial près de l'étang du parc et retour à 16h au même endroit. Et on continue avec le vide-grenier au Rumont. L'association des usagers du centre social en partenariat avec Vaugilis, l'association culturelle du Rumont, la ville de Remiremont, le département ainsi que la CAF organise un vide-grenier le 8 juin à Remiremont au lieu dit du Rumont. Pour plus de renseignements, je vous invite à contacter Olivia Després, l'organisatrice du vide-grenier, à l'adresse mail suivante olivia.deprez@remiremont.fr. Et on termine avec le mouvement citoyen Nous voulons des coquelicots stop aux pesticides qui organise un rassemblement à Remiremont ce vendredi 7 juin à 18h30 place de l'Abbaye devant la mairie. Ce rassemblement a pour but d'exiger des responsables politiques à l'interdiction des pesticides, herbicides, fongicides de synthèse. Toute la population est invitée à cette manifestation pour affirmer sa détermination d'un environnement et d'une alimentation sain et dépourvue de toute pollution. Chacune et chacun peut aussi soutenir ce mouvement en signant la pétition sur internet en se rendant sur le site nous voulons des coquelicots tout attaché.org. Allez, tout de suite, on continue et on fait un petit point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et on va parler bien évidemment, tennis avec le tournoi de Roland-Garros. Et malheureusement, il n'y a plus de Français en compétition, hein, ça y est, à Paris, avec Benoît Paire qui peut nourrir des regrets puisque le Français a servi pour le gain du match dans le 5e set. Rappelons que ce match a eu lieu sur 2 jours. Nishikori menait 2-7 à 1, hein, 6-2, 6-7, 6-2. Benoît Paire a remporté le 4e set au tie-break 7-6 et il a servi pour le gain du match à 5-3, mais malheureusement il s'incline 7-5 dans le 5e set, mais il a dit qu'il garderait d'excellents souvenirs de ce tournoi de Roland-Garros et qu'il montrerait les images quand il aurait des enfants plus tard ainsi qu'une copine. Et pour Gaël Monfils, eh bien malheureusement il a été trop sage face à Dominique Thiem qui a fait une vraie démonstration. L'Autrichien s'est imposé en 3-7, 6-4, 6-4, 6-2. Novak Djokovic n'a pas fait dans le détail face à Struff, il s'impose en 3-7, 6-3, 6-2, 6-2. Alexander Zverev s'est qualifié en 4-7 face à Fabio Fognini, 3-6, 6-2, 6-2, 7-6. Et enfin, Khachanov, après 3h09 de jeu, s'est imposé en 4-7 face à Juan Martín Del Potro, 7-5, 6-3, 3-6, 6-3. Aujourd'hui, duel 100% suisse qui opposera Stan Wawrinka à Roger Federer. Un match qu'on attend tous pour les fans fan de tennis. Il y aura également à suivre Rafael Nadal qui fêtait hier son anniversaire à Roland-Garros, hein, comme tous les ans, et qui affrontera donc aujourd'hui Kei Nishikori. Côté féminin, Barty s'est qualifiée en 3-7 face à Kenin, 6-3, 3-6, 6-0. Simona Halep, alors elle avait un train à prendre, 45 minutes, 2-7 pour venir à bout de Swiatek, 6-1, 6-0. Kiz s'est qualifiée en 2-7 face à Siniakova, 6-2, 6-4, et Anisimova s'est qualifiée en 2-7 face à Bolsova, 6-3, 6-0. Aujourd'hui, Sloane Stephens affrontera Konta et Vondrousova sera opposée à Martic. Et des nouvelles d'Andy Murray qui se fait très discret hein, depuis qu'il s'est fait opérer de sa hanche en janvier. Eh bien, on a appris hier qu'il allait faire son retour à la compétition. Ça a été annoncé par les organisateurs du tournoi du Queens et Andy Murray fera son retour en double. Un mot de football maintenant avec les Espoirs qui ont battu hier la Belgique 3-0. Et dans les moins de 20 ans, 8e de finale ce soir pour la France qui affronte les États-Unis. Un mot de basket avec la Pro B, quart de finale ce soir, c'est la belle entre Nancy et Saint-Chamond. On termine avec du hockey sur glace en finale des playoffs de NHL. Eh bien, les deux équipes sont à égalité dans cette finale puisque Saint-Louis s'est imposé 4-2 cette nuit face à Boston. Et du côté de chez nous, l'Épinal Hockey Club continue ses annonces et aujourd'hui, il s'agit de Kevin Pernaut pour la saison qui vient de se clôturer. Il a terminé à 30 buts et 31 assistances. Eh bien, on a appris hier dans le communiqué du club spinalien qu'il allait rester donc à Épinal. Très bonne nouvelle. Allez, on va tout de suite marquer une dernière pause musicale avec un titre qui sent bon l'été, hein, puisque c'est vrai, on n'est pas encore tout à fait en été, mais avec la météo en ce moment, on s'y croirait. C'est DJ Assad à la Ramanesum Willy William sur le tube Litourné. Chef du colline, fini bam bam, ça se lève, content tam tam. Mette la paille à sa braca, sa kalala, la fina blabla. Pouti pouti, les pou danser, dans tout côté, les pou tourner. Les codes.